pas de freestyle, serre-moi pas la main. Toi et moi, on se connaît pas. Armé de l'audi, lequel de nous deux y perdra la vie? Armé de l'audi, lequel de nous deux y perdra la vie? Personne partage mes peines, j'barre au solo dans l'audi. Y'a 100 billets vers le jour où j'y serai rebondi. Personne partage mes peines, j'barre au solo dans l'audi. Y'a 100 billets vers le jour où j'y serai rebondi. Personne partage mes peines, j'barre au solo dans l'audi. Y'a 100 billets vers le jour où j'y serai rebondi. Personne partage mes peines, j'barre au solo dans l'audi. Y'a 100 billets vers le jour où j'y serai rebondi. Armé dans l'audi, lequel de nous deux y perdra la vie? Armé dans l'audi, lequel de nous deux y perdra la vie? Tous les quartiers, man. Daddy noté sur le mic, man. Tu vois ce que je veux dire? Tu te lèves, tu prends ton et tu vas direct sur la piste de danse. Watch me now. Well, well. J'ai plus rien, c'est comme ça. J'ai du mal à faire ta l'agitateur qui bouge en moi. We're missing again. C'est peut-être la vie que je mène. Elle n'est pour moi qu'un grand show, mais c'est comme ça que je l'aime. Swell then well. J'ai plus rien, c'est comme ça. J'ai du mal à faire ta l'agitateur qui bouge en moi. We're missing again. C'est peut-être la vie que je mène. Elle n'est pour moi qu'un grand show, mais c'est comme ça que je. Samedi soir, que faire si ce n'est y aller toaster? Toute la clique est là et pour le peu surexcité. On attend plus que les miss et deux ou trois cinglés. Car ce soir, on annonce au moins 150 degrés. Lieu de crime, peu importe Bercy ou une MJC. Le mobile, une simple envie musicale de tuer. La sueur sur les murs témoigne des hostilités. Toutes les preuves sont là, je ne peux plus me disculper. C'est vrai, j'avoue que j'ai plus rien, c'est comme ça. J'ai du mal à faire taire l'agitateur qui bouge en moi. What am I missing again? C'est peut-être la vie que je mène. Elle n'est pour moi qu'un grand show, mais c'est comme ça que je l'aime. Swell then well. J'ai plus rien, c'est comme ça. J'ai du mal à faire taire l'agitateur qui bouge en moi. What am I missing again? C'est peut-être la vie que je mène. Elle n'est pour moi qu'un grand show, mais c'est comme ça que je. Hey, boy, rikitikitinkiting. Ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting-ting. Que dire ce soir, y'a que des dancehall queens. Faut les voir bouger de la plus fatale à la plus fine. Vas-y, c'est lecteur, fais monter l'adrénaline. Je sais que tu vas commettre le plus musical des crimes. Elles ont leur battu là. J'ai tout le monde dans le scene. Aucun mal à être sexy sans silicone ni médecine. Un bon rapper suffit et les corps s'illuminent. Swell then, je sens que j'ai besoin d'un aspirine. J'ai plus rien, c'est comme ça. J'ai du mal à faire taire l'agitateur qui bouge en moi. What am I missing again? C'est peut-être la vie que je mène. Elle n'est pour moi qu'un grand show, mais c'est comme ça que je l'aime. Swell then well, j'ai plus rien, c'est comme ça. J'ai du mal à faire taire l'agitateur qui bouge en moi. What am I missing again? C'est peut-être la vie que je mène. Elle n'est pour moi qu'un grand show, mais c'est comme ça que je. Hey, showman, tcho. Si les pas si bouge, si les pas si danse. Hey, si les pas si bouge, c'est que c'est de la bombe. Bye bye to entry. Si les pas si bouge, si les pas si danse. Hey, si les pas si bouge. Dehors tout peut s'écrouler, rien ne saurait nous stopper. Car ce soir débute la plus dingue des soirées. Avec l'aide du ciel et ta complicité, les dieux du dancehall ce soir vont festoyer. Que jaillisse la basse et qu'elle sonne de tout son éclat. Faites-le voir les lyrics, ouvrez les pochons de Yuta. Que les fessiers vacillent au bon son du Médina. Sur le bébé cham, on le vante et qu'il a well well. Je veux voir toutes les mains vers le ciel comme si elle... Radio la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao Jounes, 22h minuit. Radio Sud.net 101.8. Yeah, la 25ème, il est 22h04 exactement. On est avec Carter et toute l'équipe, tout le monde est arrivé. Ouais. Yes, ouais. Ça va, vous avez fait bonne route? Ouais, nickel, hein. Un peu long. Ouais, vous venez d'où exactement? Belfort. Belfort, ok, yes. Salut. Salut Jounes. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. T'es malade? Ouais, je suis malade. Bad malade. Mais ce qui... Bad malade, je suis malade de la clim. merci Kamel pour la clim. Voilà, merci beaucoup. Donc Kamel, c'est le président de Radio Sud. Donc, merci pour la clim parce qu'à chaque fois, on perd des 5 kilos pendant l'émission. Donc ça fait plaisir. On n'est pas assez perdu, mais bon, vas-y. Tranquille, tu reviendras. Tu feras des heures sup. Donc ce soir, on reçoit Carter, première heure. Je réexplique un petit peu pour les auditeurs, pour tous ceux qui ne connaissent pas trop. Première heure, en fait, de 22h à 23h, on te reçoit, interview, un petit peu, voilà, au début, on va être en surface et puis on va creuser un petit peu, on va diffuser tes morceaux et puis on termine par un petit freestyle. Je sais qu'il y avait d'autres mecs qui voulaient kicker après. Donc sachez qu'en deuxième heure, s'il y en a qui ont envie de kicker un petit peu, on a un peu de temps. Voilà. S'il y en a d'autres qui passent dans la rue, qui ont envie de freestyler, on est là, comme d'habitude. Et sinon, on aura, je crois, 2-3 sons du projet Heatwave de TO2S à diffuser. Donc on en profitera aussi. Carter, est-ce qu'on commence direct? Est-ce que t'es chaud? Moi, je suis bouillant. T'es bouillant? Eh ben, allez. Tu nous envoies le jingle, Juju, quoi. Ouais, mais explique-lui d'abord ce qu'il doit faire, quand même. Parce que là, t'es là... Ah ouais, c'est vrai, ouais, exact. Ouais, je suis un ouf. T'as cru la lue dans tes pensées. Ouais, ou c'est... Non, mais ouais, pourquoi pas. Frère. Non, rituel. Petit rituel dans l'émission. À chaque fois qu'on reçoit un mec, en fait, on s'est amusé à faire un jingle. Et nous, on aimerait bien que toi, tu nous fasses ton jingle. Tu vois ce que je veux dire? Donc nous, calmez, comme tu veux. Calmez. Non, juste tu fais un petit big up. Tu vois, on est sur Radio Sud, 101.8, radiosud.net. Carter, tu dis ce que tu veux en fait, tu vois. Ok. T'as vu, je t'ai mis ton son en fond là. Je sais pas si t'as entendu. Tu connais pas ça? C'est Louis. Ouais. C'est quoi le titre? Je suis pas un expert dans ça. Mister Carter. C'est ta bande son. Ça peut être Jay-Z aussi. Ouais, aussi. Ça peut être lui aussi. Mais bon, vas-y, allons-y sur le. Envoie le jingle. C'est parti. Et juste après, t'enchaînes avec ton petit big up. Après le jingle, cash. Ouais, yes. Ouais, ouais. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio Sud.net. 101.8. C'est Carter, t'es sur Radio Sud, 101.8 FM, Besançon. Yes, bien joué. Carter, je voulais savoir déjà avant de commencer si je veux te retrouver sur les réseaux Instagram, YouTube, Snapchat. Alors c'est Carter90 sur Instagram. Ok. Sur Snapchat, c'est Wawa Carter, W-A-W-A Carter, tout attaché. Facebook, pareil, Wawa Carter, c'est pareil. Sur YouTube, Carter, tout simple. Ok. Je tape Carter. Et sinon, je suis principalement sur les plateformes de streaming, déjà deux projets dessus. Ok. Juste, je rebondis là-dessus. C'est très, très, très compliqué de te trouver, mec. Méga compliqué de trouver. Sur quoi? Sur. Partout. Ouais. Là, ce matin, ta page Insta était introuvable. C'est vrai. Mais ouais. T'as changé, je crois que t'as changé les... Ah, j'ai changé quelques paramètres, en fait. Si tu veux. T'as changé les tirets ou un truc comme ça, je crois. Ouais, j'ai changé aussi les tirets. Je suis passé à une page artiste, si tu veux. Ok, d'accord. Je suis passé ce matin, en plus. Ok, bah... Désolé. Ça vient de là, merci, t'as pas de soucis. Donc, Wawa 90. Wawa Carter sur Facebook. Wawa Carter. Wawa Carter sur Snap, tout attaché. Ouais. Et Carter 90. Ok, très bien. Ce que je propose avant de commencer un petit peu les questions, c'est de balancer un morceau pour faire une présentation, celui que tu veux. Là, je te le choisir, au titre. Là, le premier, c'est Habiba. Allez, vas-y, passe. Allez, on envoie le premier, puis après, on passe aux questions. On est toujours dans la 25e, 22h minuit. Carter, ce soir, on envoie le son Habiba. Tu peux monter le son, vas-y. Et pour les réseaux, il suffit d'ajouter, c'est parti, on est là. Habiba, on se tire, mais donc t'as déjà là-bas. J'ai annulé showcase pour être avec toi. Je t'aime jusqu'à en avoir brisé les lois. Omri, regarde-moi dans les yeux, j'irai pour toi, décrocher tous les yeux. Les gars me disent, ressaisis-toi, c'est une. Quelle réputation de. Je retirerai autant d'albums pour payer la villa. Quand je serai plus là, qui me dit que tu me remplaceras pas. Et à chaque fois, je me dis que la bonne sera la prochaine. C'est sûr qu'à chaque fois, elle était bonne, mais c'était qu'une chaîne. Habiba. Prends-moi dans tes bras et puis ne m'oublie pas. Habiba, viens se barre d'ici, on part à Miami. Habiba, t'es ma beauté, monte dans le féfé. Habiba, t'es tout pour moi, ton homme deviendra roi. J'aime ton odeur, j'ai le cœur violet, j'ai les sentiments brûlés par l'ultraviolet. Tu m'as demandé de mettre amis et musique de côté. J'étais au sol et au final je t'ai plaqué. J'fais de la moula, pas de bisous, t'as un gros cul, mais j'préfère mes zoulous. J'suis posé dans le bendo, j'fais des gros sous. J'vis avec toi, mais notre amour est devenu chelou. Oh bébé, oh bébé, oh bébé, prends-moi la main, on va recommencer. J'suis bloqué, j'suis en zombré, enfumé comme nos rêves de Miami. Habiba, prends-moi dans tes bras et puis ne m'oublie pas. Habiba, viens on se barre d'ici, on part à Miami. Habiba, t'es ma beauté, monte dans le féfé. Habiba, t'es tout pour moi, ton homme deviendra roi. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, on est toujours avec Carter jusqu'à 23h. Donc, le premier son que tu nous as envoyé là, c'était Habiba. Exact. En mode été, féfé, câlin. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu de tout ça. Si, si. Du coup, j'ai écouté un peu les morceaux. C'est vrai que tu alternes entre autotune, rap. Tu préfères, est-ce qu'il y a un truc que tu préfères? Tu préfères kicker? Ça dépend l'humeur. Ouais. Ça dépend l'humeur. Il y a des fois, je vais aller en studio, je vais me dire, j'ai envie de kicker. Il y a des fois, je vais me dire autotune. Ok. Un peu de douceur, tu vois. Yes. T'es un chanteur un peu dans l'âme ou. Ouais, autotune, c'est bien. Ou, tu vois. Avec l'autotune, c'est mieux. Ok. Avec l'autotune. Sans autotune, ça donne quoi? C'est moche ou quoi? Je te vois sous la douche, tu vois, quand tu chantes. Non, ok. Voilà. Ok, ok. Voilà. On va s'essayer après, on va chanter, toi et moi. Mais pas sous la douche, les mecs, non, là, tranquille. Non, calmez. Non, comme ça, tranquille. Quel âge t'as? 25. 25, ok. En lisant un petit peu, principalement sur Insta, j'ai vu que ça faisait déjà 10 piges que tu faisais du son. Ouais, je suis depuis 10 piges dans le son. Ok. Pas forcément en tant qu'artiste. D'accord. En tant que? J'ai déjà une web radio. Okay. On s'est déjà occupé d'une web radio sur Belfort. Yes. C'est principalement comme ça que j'ai commencé. Après, on avait commencé la musique avec un groupe, okay. la Diaspora. Okay. C'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et après, chacun est parti en solo. Mais c'est la famille, tu vois. Yes. Mais tu sais quoi, je te cherchais sur les photos qui avaient des journaux. Mais t'as changé de ouf. J'ai grossi. Ouais, mais pas que. Tu vois, tu faisais vraiment. Tu sais, c'était genre 2015 ou 2016 les photos, tu vois. Il y a eu un peu de barbe qui a poussé. Ouais, de ouf. T'as perdu la mèche. De ouf. Ouais, après, je l'ai perdu pas longtemps en plus. Uh-huh. Un peu de déception, tu vois. Le défrisage brésilien ou marocain. Il fallait à un moment donné trouver une solution contre tout ça. Ok. Et à part le. Enfin, je sais pas en fait, à part le rap, est-ce que. Je sais pas, est-ce que tu taffes? Est-ce que t'as des kiffs? Est-ce que tu fais autre chose? En ce moment, non. Ouais. La musique, c'est vraiment le kiff que j'ai de ouf, tu vois. J'ai pas vraiment d'autres trucs. Aller voir des concerts, des trucs comme ça, c'est vraiment juste ça qui me passionne. C'est quoi le dernier que t'as vu, là, à part les The Rock? À part les The Rock, le dernier que j'ai vu, c'était Medine, à Paris, au Zénith. Là, cette année, là? Ouais, cette année. Yes, ok. Donc t'es un mec qui va quand même se déplacer dans les concerts et, ouais, tout, ça, de ouf. Et tout ça. Ouais, de ouf. À part la musique, il y a le foot aussi. Yes. Marseille. Comment tu sais? Toi, ça se voit, tu sais repérer les gens, toi. Non, mais sur les réseaux, il y a tout, gros. C'est une fouine, c'est une. C'est difficile en ce moment, Marseille, mais ouais. Même bateau. Mais t'as un petit accent ou c'est moi qui. Un accent. T'as pas d'accent? Peut-être franc-comtois. Ah ouais, ok. Peut-être. Non, j'ai eu un petit bug tout à l'heure. Tu m'as dit un truc, je me suis dit. Tu viens du sud? Non, j'étais pas sûr. Ah tiens, le pastaga, oh. Ouais, si tu veux, là. Oh, où est-ce qu'on va? Ok. Non, je. Non, okay. T'es le premier qui me dit ça, un accent du sud. Tu vois, tout à l'heure, j'y ai cru pendant un instant. Ah, ça me fait plaisir. Ah bah voilà. Jack Miel. C'est bon. Non, je vais. Non, maman, si tu m'écoutes, c'est pas moi. Ok. Foot. Radio, foot, web radio, le son. Donc, est-ce que tu regardes aussi, je sais pas, des séries? Est-ce que t'es un mec qui va au cinéma? Est-ce que... Alors écoute, le dernier film c'était hier, j'étais voir Le Roi Lion. C'est quoi? C'est... Ouais, il y a des. J'étais voir y a des le... trolls, il y a des trolls. J'étais voir Le Roi Lion. Ah, sensible. Un peu. T'as pleuré quoi? Et j'étais entre gars, entre potes, tu vois, j'étais obligé de garder ma fierté, tu vois. Après, il y a R, c'est bon, on est entre nous là. Non, non, la mort de Mufasa, c'était dur. Ah, non. Le gars, il spoil. Le gars, il spoil. Ah, mais c'est comme le dessin animé, frère. Hein. Il est mort. Mais non. Non, ouais, non, non. Je suis pas. Un peu série vite fait, Game of Thrones, tu vois, les trucs comme ça. Ok. Mais je suis pas un grand cinéphile. D'accord. Bon, j'essaye un peu de. Vu que je te connais pas, tu vois, j'essaye un petit peu. Je fais comme ça avec fais tout ton le monde. Plaisir, fais ton plaisir. On essaye un petit peu. Après, on va parler bien rap, bien ouais. Rap. Juste, ouais, bon, si tu vas-y, essayer, on va essayer d'un peu de le connaître. Qu'est-ce que tu penses de l'élevage des poules, des poulets? Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton avis sur ce sujet? Liberté, liberté pour les poules. Liberté, liberté pour les poules. Ah, liberté. Libérer la poule. No, ah. No KFC, free no chicken. No KFC, non. C'est difficile, tu vois, le poulet frit, mais... Donc t'es là, tu poses des trucs, mais en fait, t'en bats les couilles. Non, non, liberté pour les poules. Ok, d'accord, liberté pour les poules. Ok. On va militer ça. Bon, j'ai juste encore une dernière vas-y, question. Vas-y, envoie, vas-y. Qu'est-ce que t'as contre les gilets jaunes? Contre les gilets jaunes, rien du tout. Hein. Rien du tout, en vrai. Rien du tout. Franchement, je m'en... Si, des fois, ils m'ont bien cassé la tête, tu vois, le matin. Mmh. Quand ils te bloquent 4 heures. Mais c'est tout. Hein. Sinon, c'est moi. Moi, l'actu, tu vois, je suis pas trop tout ce qui est politique, économique et tout. Tu les as bien piqués sur un de tes sons, hein. Un peu, tu vois. Je suis même prêt à aller sur les ronds-points. Écoutez. Non, non, mais c'était parce que c'était... j'avais Christo, c'était l'actu, ils en parlaient partout, tu vois. Okay. Ouais, je me suis dit, on va parler d'eux quand même. Ça marche. Ok, excuse-moi, il y a Théo Dezès, il me fait des trucs, il croit que je fais tout en même temps. Ce que je propose, pareil, avant de passer en mode vraiment rap, on envoie deux sons, ce que tu veux. Alors, je mettrais bien un peu d'amour dans le studio, donc je passerai bien Taxi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut passer d'autre? Sabrina, un peu d'amour dans le studio ce soir. Ok. Donc j'envoie Taxi, j'envoie Sabrina dans la foulée. Exactement. Yes, on est toujours dans la 25e. Ok. Enfin, ou le taxi dans Sabrina, mais là ça devient compliqué. Ok, merci. Toujours. Non, mais parce que lui, ça peut vite partir, tu vois. Ah, je vois ça. Lui, il est fort, lui. Ouais, il est chaud. Fatigué, il est. On est toujours dans la 25e, on est dans l'émission spéciale Carter. Ce soir, on envoie deux sons, Taxi, Sabrina, tu peux monter le son, t'inquiète. Je sais qu'on est deux à parler sur ton front, malgré des critiques, je sais que t'es pas conne. Un te trouve belle, l'autre te trouve bonne. Un te trouve cool, l'autre te trouve conne. Moi je te jure que je veux du sérieux. Toi avec moi tu ne trouveras jamais mieux. Je t'emmènerai au bout des étoiles. Direction tes rêves, on va mettre les voiles. Je te dirai je t'aime, il dira viens mon Ken. Tu seras ma Barbie et je serai ton Ken. Que des lovés, que du lover. Moi je te veux toi, je veux être le roi. Je veux que tu sois reine, que tu sois mienne. Que ma vie soit tienne, pour lui t'es une chienne. Son ex m'a dit que c'était un gros bâtard. Qu'il sortait sans donner de nouvelles très tard. La vie et l'amour c'est beaucoup de labeur. Lui il te discrète en secret, il m'a ta soeur. Il vaut mieux sourire que pleurer. Lui il va sourire en voyant pleurer. Malady, qui choisira que entre ses amis. Qui t'emmènera visiter la galaxie. Faire le tour du monde avec ton taxi. Faire le tour du monde avec ton taxi. Faire le tour du monde avec ton taxi. Malady. Qui choisira que entre ses amis. Qui t'emmènera visiter la galaxie. Faire le tour du monde avec ton taxi. Faire le tour du monde avec ton taxi. Faire le tour du monde avec ton taxi. Ne veux pas de moi, je te connais sur le bout des toits. Oh là là, quand tu ne veux pas dormir, on grimpera sur le toit. Du monde, je suis ton roi, je suis ton premier choix. Et comme dans un braquage, je ne baisserai pas les bras. J'ai les plus gros défauts du globe. Bien et le mal comme une clope. Des fois je ne pense qu'avec mon froc. Et toi tu me parles de da. Bé bébé, prends-moi comme je suis. Ou sinon, bébé, prends la fuite, yeah. Non. En car à mon arrivée sur terre, la vie m'a frappé. L'amour, la plus grande des boucheries, mon petit cœur en sort haché. Comme dealer, ego dealer, ma haine, je l'ai détaillée. Et si tu ne veux pas, je partirai comme ma leader. Le vive lady Malini, qui choisira Dieu entre ses amis, qui t'emmènera visiter la galaxie, faire le tour du monde avec ton taxi. Faire le tour du monde avec ton taxi. Faire le tour du monde avec ton taxi. Malady, malady, malady. Qui choisira Dieu entre ses amis, qui t'emmènera visiter la galaxie, faire le tour du monde avec ton taxi. Faire le tour du monde avec ton taxi. Faire le tour du monde avec ton taxi. La 25e, c'était Taxi. L'émission spéciale Carter ce soir, on envoie Sabrina directement dans la foulée. Sabrina est une fille comme une autre, qui se soucie beaucoup du regard des autres, qui n'achète exclusivement que de la marque, qui aime quand les garçons la remarquent. Elle ment à ses dents pour sortir le soir, juste pour un mec d'un soir. Donc elle tombera follement amoureuse, la même qui plus tard l'appellera crasseuse. Sabrina aime beaucoup le monde de la nuit, elle ne passe même plus un samedi dans son lit. Elle squatte chicha et puis boite de nuit, ses copines lui font enfin goûter le whisky. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Sabrina est ce genre de femelle. Sabrina est ce genre de femelle. Sabrina fait gaffe à ceci, celle-là. Sabrina aime beaucoup la malade. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Let's go out here tonight in the living room. A party to my bed, you ever know. Just pick a look. The happening honey, but not like her. She was a stronger, but he would her number. Her body is more for than a pinna woman. Shiny light is stopping my man. Why in the think about it? They say she mad and it's easy talk about her face. Why in the think about it? She don't know where it is, she wasn't with this place. Here, shame on you, shame on me, what's here? Girl, move like that. Her body move like that. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Sabrina est ce genre de femelle. Sabrina est ce genre de femelle. Sabrina fait gaffe à ceci, celle-là. Sabrina aime beaucoup la mala. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Sabrina, Sabrina, Sabrina. Katrina, Sabrina, Katrina, Smehliya, Katrina, Sabrina. Oh mais s'te plaît, méfie-moi, méfie-moi. Oulé, j'te fume, j'te fume, j'te fume. Ferme ta gueule, tu seras jamais ma femme. Si t'étais ma rose, moi j'attends que tu fasses. Toutes choses ont une fin, tout péché dont une flamme. Chaque douce paye son paix comme chaque chaîne ont des fans. T'as braqué ma conf à l'aide infâme. Ton CV te rattrape plus vite que tu m'as. T'aimerais Chanel, vis ton Prada, Bama. Mais c'est hôtel, pilon, vodka, nana. La 25e, on est toujours dans l'émission spéciale Carter ce soir. Jounes, tu nous envoies un petit jingle ou quoi ? Sassem, la Sassem. Radio La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h, minuit. Radio-sud.net. 101.8. Alors, on va passer un petit peu au... On va un petit peu jouer. Voilà. On va jouer un petit peu. Tout ce que j'aime. Si aujourd'hui... Je te demande comme ça, au tac au tac, quel est ton plus grand regret ? Plus grand regret ? D'être supporter de l'OM. Bon, à part être supporter de l'OM, du coup. Mon plus grand regret ? Je te dirais quoi ? Je te dirais d'avoir côtoyé certaines personnes. Ouais. C'est souvent le regret qu'on a tous. Ok. Sinon, à part ça, j'ai pas vraiment de regrets, tu vois. T'es un rancunier ou... Non, pas du tout. Non ? Non, okay. Franchement, je te dis, tu peux me faire une dinguerie. Ok. Du moment que ça touche pas la famille, tu vois, je vais te zapper, tu vois, mais je vais rien te... Tu vois, je te calcule pas. Ok. Tout, et à l'inverse, si t'avais quelque chose dont t'es vraiment fier aujourd'hui, ce serait quoi ? Quelque chose dont je serais vraiment fier, en toute honnêteté. Là, je crois que c'est mes parents, tu vois. Yes. Je pense que c'est mes parents, tu vois, parce qu'ils m'ont vraiment donné beaucoup de choses. C'est aujourd'hui, c'est, tu vois, la musique, ils me soutiennent beaucoup. Et voilà, moi je suis le plus fier d'eux parce qu'ils m'ont tout donné, tu vois. Moi, mm-hmm. depuis que je suis jeune, ils m'ont donné à moi, tu vois, en premier, yes. à leurs enfants, tu vois. Donc c'est eux ma fierté. J'espère être la leur plus tard. Ouais, ouais. Comment ils te soutiennent? Genre, ils sont en quad avec ton son à fond? Alors, je vais pas te mentir, ma mère avant n'aimait pas du tout le rap. Ah putain, j'ai cru que t'allais dire ma mère. Fais du quad. Fais du quad. Ma mère n'aimait pas du tout le rap et moi, quand j'ai commencé à chanter, donc elle s'est un peu intéressée à, je peux dire, une radio concurrente. Oh, qui fait du rap. Et elle a écouté, aujourd'hui, elle aime bien, elle écoute mes sons. Elle écoute mes sons, elle est fière aux autres membres de la famille de faire écouter. Moi, je suis content. Ils viennent les concerts que j'ai faits, ils sont toujours venus. Okay. Ils me donnent leur avis. Okay. Juste. Elle me taille beaucoup sur les gros mots, tu vois. Juste ah, ça, le problème. Normal. Un rôle de maman, normal. Ouais, c'est normal. Hein. Déjà, elle écoute. Hein. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est cool. C'est cool. Non, c'est cool, c'est cool, ça. Et si tu devais définir ton rap, là, comme ça, en trois mots. Mon rap ? Ouais. Franchement, sincère. Parce qu'il y a certains titres où je dis vraiment ce que je ressens. Bordélique, parce que je parle de tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça. Tu vois, je parle de vraiment tout et n'importe quoi. C'est bien vrai. Hein. Et je pense que. Qu'est-ce que je. Passionné, hein. Comme okay. ça, c'est vraiment. Quand j'écris, c'est vraiment du kiff, tu vois. Je me force pas. Si, si. C'est quand j'écris un son, je me dis pas la première chose. Ce son, faut qu'il pète. Ce son, faut que je l'aime, tu vois, déjà. Donc, c'est ça la première chose que je me dis. Ok. Moi, j'ai juste une question sur ce qu'on blase. C'est Carter ou Carter le C? C'est Carter, quoi, Carter le C pour les intimes, tu vois. Et pourquoi le C? Le Carter. Je me suis pas cassé la tête, tu vois. Ah ouais. C'est juste ça. Tu vois, genre, il y a certains potes, je leur dis le A et tout, tu vois. Moi, on m'a dit le C, tu vois. Il y en a certains, donc je me suis dit, c'est cool, tu vois. Moi, je me suis dit, tu pars dans un délire. Yacoba, l'AD, Carter le C. Non. Bientôt Hamid le Q. Non, ça a pas de rapport avec Koba l'AD ou quoi, tu vois. Cité Carter, tout ça, non? Ouais, non plus. Ouais. Pardon ? Est-ce que c'est un rapport avec la cité Carter, tout ça ou pas ? Non, franchement, non. Mais je viens de trouver, c'est Carter le coach. Pourquoi ? Coach Carter ? Ok. Mais c'est ça, on t'a démasqué. Il est très très fort. Je ne voulais pas le dire devant tout le monde, mais... Non, il est costaud, il est costaud. Presidente Junes. Excusez-moi. Donnez-nous une promotion, là. Il est chaud, là. Ah, c'est bon, vas-y. Vas-y, bah du coup, continue. Juste un chèque, c'est bon. Ok. Junes, est-ce que tu avais d'autres questions ? Ouais, j'ai une question. C'est perso, hein. Vas-y. Est-ce qu'il te reste des parfums à Bicrave ou quoi, là? Toi, t'es à l'affût, mais il m'a vraiment suivi sur tous les réseaux. Attention. Réponds juste à ma question, gros. Il y a encore des parfums, contactez-moi au privé. Vas-y. Il y en a encore. Je vais t'appeler après. Demain, 8h pétante, pile. Il n'y a pas de problème. Vas-y, c'est bon pour moi. Du coup, là, pendant la diffusion des sons, je t'ai un peu parlé de ton expérience web radio. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors écoute, de base, ça c'était un truc con, tu vois, j'étais un petit adolescent, tu vois. J'étais dans mon lit, j'écoutais la radio et là, je me suis dit, il y a vraiment trop de pubs. J'ai trouvé, tu vois, qu'il y avait beaucoup de pubs et j'ai appelé des potes et j'ai dit, de base, c'était un truc qu'on voulait se créer ensemble. Attends, on va te couper, il y a la pub là, juste là. Non, c'est entre... Parfum, pas cher. Et c'était entre potes et de base c'était une radio qu'on a créée que pour qu'on l'écoute à nous, tu vois. Ok. Et après on a fait tourner à d'autres gens qui ont fait tourner à d'autres et ça s'est fait connaître comme ça, tu vois. C'était pas mal, on a fait des journaux et tout. Ah mais vous avez pas de locaux ni quoi que ce soit? Si, on avait un logo à l'époque, mais maintenant c'est fini, tu vois. C'était vraiment un délire d'adolescent, tu vois, à l'époque. Ok, mais elle était diffusée où cette radio? Que sur l'internet. Ok. D'accord. Et ouais. Ça c'était, t'avais quel âge à cette époque là? C'était vers 15 ans, par là, ça a commencé là. Okay. En fait. C'est vraiment là où ça a commencé la musique, tu vois. D'accord, ok. Un truc de radio pirate, tout ça. Exactement, tu vois. Si. Ça pète. Et Diaspora, du coup. En fait, si tu veux, un jour, on était entre potes et on s'est dit. On écoutait des sons, pareil, tu vois, c'était en écoutant toujours. Et on s'est dit, ouais, les gars, venez, on essaye de rapper. On a dit, venez, on essaye, tu vois. On a regardé des tutos sur YouTube. Ah putain. Non, on a commencé à rapper, on a tous commencé à écrire, on freestyle entre nous. Après, on s'est dit, on aimait bien, tu vois. Après, on s'est tous retrouvés en studio, on a enregistré et tout. Et c'est parti de ce délire. Il y a une, dans notre ville, tu vois, Belfort, il y a quand même une bonne hype autour de notre collectif, tu vois, c'est okay. Même pas un groupe. Et franchement, non, c'était une très, très, très bonne expérience. Et je big up tous les membres qui étaient dans ce groupe, d'ailleurs. Si. Et c'est quoi ton premier blaze ? Carter. Non, c'est quoi ton vrai premier blaze ? Mon prénom ? Non, ton premier blaze en tant que rappeur, ouais. Non, Carter. Toujours Carter ? Toujours. Pourquoi Carter, du coup ? Je sais pas, j'aimais bien la culture américaine à l'époque, tu vois. Ouais. Et moi, j'aimais bien en particulier, tu vois, Jay-Z, tu vois, les trucs comme ça. Ah, donc du coup, tu t'es vraiment affilié à Jay-Z, toi. Ah, je me suis affilié, tu vois. Puis moi, je trouve les Carter, tu vois, ils étaient chauds à l'époque, tu vois. Mais t'es un du foot. Wayne Carter, tu vois, les trucs comme ça. Suis de ta famille. C'est un fou. Non, c'est même pas affilié à Jay-Z, c'est juste la culture américaine, en fait. Ok. Et donc, Carter, pour toi, c'est le nom le plus américain. Ah non, il y a mieux, tu vois, mais c'était un truc que j'aimais bien, tu vois. Ok. Après, c'est comme si tu demandais à un daron pourquoi t'as appelé ta fille, tu vois. Il va te dire j'aimais bien. Non, tu vois, c'est pas pareil quand même. Non, j'aimais bien le délire américain, donc j'ai trouvé Carter. C'est vraiment le prénom, le blast qui m'a le plus inspiré. Si. Vas-y. Ça marche. Quand on reçoit des gens, enfin des invités, des gens, excuse-moi, t'es pas un genre, on a souvent des appels cagoulés. Ok. Les gens, ils nous appellent en cagoulé, puis ils posent 2-3 questions en général. Donc, je vais t'en passer, j'en ai sélectionné 3. Ok. Je vais te les passer, puis je te laisserai répondre. Tu connais les appels masqués. Je sens dans ton regard. Voilà, il y a les appels masqués, il y a les appels cagoulés. Appel cagoulé, gros, je sais pas. Vas-y, balance. Des balance. Fois, on reçoit même des mails cagoulés. Les gens, vas-y. Ils disent rien. Envoie. Ah ouais, ça c'est totalement véridique. On reçoit des mails, les mecs n'ont pas de blaze. Et le nom du son, c'est sans titre. Tu vois, okay. C'est sans nom, sans titre. Si tu peux le diffuser. Vas-y, okay. On diffuse, tu vois, c'est normal. C'est cagoulé, donc du coup, je vais te balancer les questions et puis je te laisserai répondre après. Ok. Allô, la 25e ? Tu peux le mettre aussi sur le studio, là ? Ouais, c'est bon. Vas-y, c'est parti. Allô, la 25e ? J'ai une question pour Carter. Allô, la 25e ? J'ai une question pour Carter. J'ai vu que récemment, t'avais publié la Friendzone 2 de Willem. Pourquoi, t'avais besoin de conseils ? T'es friendzoné ou quoi ? Voilà, je te laisserai répondre à cet auditeur que vous voulez. Tu veux quoi, tu fais défiler ou je réponds direct? Ah non, tu réponds direct. Ah. Tu vas pas... Non, ça se passe pas comme ça, c'est affreux. Il a fait son émission. Je voulais avoir le temps de réfléchir. Tu vois. Non, réponds. Non, mais je sais pas, j'aime bien Willem, tu vois, j'aime bien son délire, tu vois. Mais et, t'as pris des notes? C'est instructif, tu vois. Mais la question, est-ce que tu t'es fait non, friendzoner? Si je me suis déjà frais, bah oui. Ouais, je veux pas faire le gars, tu vois, hardcore, tu vois. Ouais, T'es un gars bien de l'avouer comme ça devant tout le monde. Non, c'est bien, t'es un gars bien. Vas-y, je te passe la deuxième question que j'ai sélectionnée. Même principe, t'écoutes et puis je te laisse répondre. Oui, bonjour, c'est Monica. Je réponds à l'annonce de Carter parce qu'il cherche plusieurs actrices pour des tournages. Ben, moi, je suis d'accord, mais moi, je fais aussi de la nudité et des trucs illicites. Hein. Donc, je suis intéressée, rappelle-moi. Concernant la nudité, c'est un truc que je ne mettrai jamais dans mes clips. Comme l'alcool ou la drogue. Ce n'est pas un truc que je veux véhiculer. C'est pas un truc que j'ai pas envie que cette image me suive. Surtout que j'ai de la famille qui regarde. J'ai pas trop envie de... De mettre des femmes nues, tout ça. Ben, je sais pas, c'est... Non, tu vois, non. Même pas. Si on fait un clip caché, tout ça... Parce que Monica, je pense qu'elle a répondu à ton annonce. Tu sais que t'as mis. Non, mais elle avait l'air une voix un peu âgée, tu vois. Donc. Je pense qu'elle a. Non, je. Mif je... Non, mais. Non, tu déclines l'invitation? Non, mais après, si elle veut être habillée, y'a pas de problème. Vas-y, j'en ai sélectionné un troisième, un dernier. Oui, bonjour, c'est Sœur Marie-Joseph de la paroisse Carter. Avec les revenus du streaming, combien vous avez pu acheter de cadeaux? Merci. Tu sais à quoi elle fait allusion ou pas, Marie-Joseph? Je pense. Avec l'argent du streaming, qu'est-ce que j'ai acheté? Ouais. La dernière fois, c'était. Je me souviens même plus. Je crois que je me suis. Attends, je t'aiguille. Je pense qu'elle fait. Elle avait fait allusion à la publication que t'avais faite. avec l'argent du, avec le revenu du streaming, je vais acheter des cadeaux pour les SDF, etc., à manger. Etc. Ah ouais ouais ouais c'est ouais ça, ouais. C'est, ah c'est à l'époque, ça. C'était l'ancien album. C'est Marie-Joseph de la paroisse. Donc, ah ouais ouais ouais ouais. Bah écoute, on avait. S'en fout de ton ouais, avec lui, faut se projeter, faut revenir, faut revenir en arrière. Ouais ouais non là, ah ouais, faut revenir loin. Ah ouais, c'est l'époque de cet album. 2018, c'était l'année dernière. 2018. En avril, frère. C'était longtemps quand même. Novembre. Octobre. J'ai sorti un album. Ah ouais ouais ouais ouais. Ah ouais ouais ouais ouais ouais. Non non ouais, je me souviens. 2018. Non non, je me souviens. Bah écoute, ouais, avec ce truc, on avait fait ça avec l'argent du streaming, une partie, tu vois, était reversée pour des associations ou pour acheter des trucs aux sans-abri. Ouais. On avait fait aussi un appel sur nos stories, ouais, pour demander aux gens s'ils voulaient donner des trucs. Mmh. Certaines personnes ont donné. Combien le streaming ça paye, combien? Ça va, ça va, ça va. Non, ça pardon. Permet de... Non, non, je gagne pas des millions, des milliers, des cents, tu vois. Bah, niveau tu serais pas là, sinon. Combien, du coup? Trois chiffres. Trois chiffres? Mmh. Ok, on cause, on va se parler après, toi et moi. tu vas offrir Def Jam Besançon. Def Jam Besançon, après. On en parle après de Def Jam Besançon. Après, t'inquiète. Ouais, c'est bon, j'en ai sélectionné que trois, donc on est bon, là. Très bien. Moi, il y a quelque chose qui m'a... Du coup, tu parlais de collectif, la hype autour du collectif. Du coup, aujourd'hui, t'es venu avec pas mal de monde, donc je voulais en profiter pour les présenter et que tu nous... Soit vous pouvez vous présenter, soit tu les présentes, vous faites comme vous voulez. Je vais faire une présentation pour allez, chaque. Vas-y. Allez, c'est parti. Là, à ta droite, du coup... À ma droite, Osiris. Osiris, allez, allez. C'est mon gars sûr. Il a commencé à rapper récemment, tu vois. Il est vraiment déjà très, très, très, très chaud. Très, très chaud. C'est la deuxième fois qu'il figure sur un de mes albums. Pour moi, c'est une fierté de l'avoir parce que c'est aussi un de mes gars, tu vois, proche. Mm-hmm. C'est mon frérot, tu vois. Donc pour moi, c'est une fierté aussi quand je fais un feat avec des gars comme ça. Rougis pas, gros. Ça va, c'est que là, tu rougis. Ça fait plaisir, tu vois. On n'entend pas souvent dire des trucs comme ça. Non, je les complimente pas souvent. Mais voilà, à côté, mon gars, lui, il a commencé avec moi. Lui, okay. Il est 10 ans, il est là, lui. Ok. C'est Koulou. Ok. Parle avec lui, Jounes, pour les infos croustillantes. C'est lui qui pourra te donner les bonnes infos. À quel sujet? Oh. On discute après. Oh. J'ai un contrat pour toi aussi. Non, c'est cool, il a commencé avec moi. Il est figure sur chacun de mes projets. Et c'est vraiment quelqu'un aussi que je kiffe. Il peut rapper en anglais comme en français. C'est quelqu'un que j'ai toujours kiffé. C'est quelqu'un aussi de super proche. Donc je suis aussi super content qu'il soit avec moi. Knack. The Knack. C'est quelqu'un que je connais depuis des années. C'est un mec qui depuis des années me casse les couilles à me dire « Viens, on fait un feat ». Et on n'a jamais eu le temps. Donc là, on enregistrait quelques sons ensemble qu'on n'a pas gardés. On va encore en continuer pour le prochain projet et pour également son projet. Putain, tu te fais fit-zoner. Non, non, mais il est dans le game depuis plus longtemps que moi. Donc j'ai pris énormément de conseils venant de sa part. C'est quelqu'un qui est très, très chaud aussi, qui a l'expérience d'être quelqu'un de très, très humble. Et c'est aussi un super pote, donc c'est aussi une fierté d'être avec lui. Il a sorti un son d'ailleurs sur les streamings la semaine dernière, si je me trompe pas, qui s'appelle The ZE avec okay. Son blaze Knack. Et il est vraiment très très très chaud. Yes. Il faut nous envoyer les gars. Restez toute la famille. Envoyer. Ça c'est mon gars Susu, à côté de moi. Manager du collectif du label Bleu Vision. Ok. Avec l'artiste Minuit 60. Minuit 60 allait streamer. Il a sorti d'ailleurs une grosse grosse mixtape qui s'appelle Couture. Il a fait énormément de streams. C'est quelqu'un vraiment qui est très très chaud. Et franchement, vous risquez vraiment d'aimer. Ok. Et voilà. Écouter, on ira écouter. Sur la partie musicale, c'est tout. C'est bon, les gars, il vous a respecté sur la présentation ou... okay. Là, ils sont okay. Tous rouges là. T'es moi, il est rouge. Il est non, mais j'ai entendu tout à l'heure, tu présentais, il y avait un b-boy qui devait danser sur la table, tout ça là, non? Ah, exactement. Exactement. Alors, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Il y a un quart d'heure. Non, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques mois et je l'ai rencontré via les réseaux sociaux. Okay. Son blaze, c'est Didi. Et qui est le meilleur danseur de Besançon. Bon, Carter, ça existe déjà, on t'a rien dit, mais Didi, là, je suis un bon. Non, mais c'est très riquet ce soir dans le studio. Donc voilà, il fait de la danse, je vous invite à le suivre sur ses réseaux sociaux. De toute façon, je vous donnerai tout après. Ouais. Grosse vidéo de danse, beaucoup de talent. Ok, yes. Moi, il y a quelque chose qui a attiré un peu mon attention. Je regardais, je crois, c'est quand t'as sorti le visuel de Carter 3. Ok. Je regardais un peu, tu vois, les remerciements, tout ça. Et je vois Travis Scott. T'as remercié Travis Scott? Ah, tu vois, on a tu sais, je suis sur un son, il y a Travis Scott dessus. Ok. Et si tu veux, le sample, le sample qu'il y a dessus, le son n'existe pas. D'accord, ok. Donc on se l'est approprié. D'accord, ok. Le bail, et ça fait que ça a fait un feat avec Travis Scott, tu vois. Et voilà. Il t'a dit de rien. Il m'a dit, il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais. Il m'a dit, yeah, I'm coming in Belfort. Ah, il m'a dit, je vais venir à Belfort. Là. Il m'a dit, on va plier ça, là. Si, à Radio Sud, il devait être là ce soir, mais. Ah, putain. Mais Kylie l'a embrouillé. si. Bien vu, bien vu. Bon, bah, Travis, si tu nous écoutes, big up, hein. Ouais, big up à lui, là. Je sais pas, il est dans la merde, là. La Friendzone 3 arrive. si. Et il y avait autre chose qui a attiré mon attention, parce que du coup, bah, je t'en ai parlé. Crix, du coup, que je connais. Crix Murphy. Un mec très, très, très talentueux. Lui, ça fait des années qu'il est là. Quelle voix, lui, c'est incroyable. C'est la meilleure voix R&B pour moi à Belfort. Ok. J'espère qu'il va aller loin là. En ce moment, il est en tournage. Il est dans le cinéma là. Il a plus le temps pour nous. Non, j'ai beaucoup collaboré avec lui et c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup de conseils. C'est vraiment, c'était prolifique avec lui. Si. Du coup, je trouve que quand même, tu vois, du côté de chez vous, j'ai l'impression qu'il y a quand même, on pose un peu la question à tout le monde, surtout ceux de l'extérieur. J'ai l'impression qu'autour de la culture urbaine, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Est-ce que c'est le cas? Bien sûr que oui, il y en a beaucoup, tu vois. Là, dernièrement, avec Bleu Vision, ils montent de plus en plus. C'est mes potos, tu vois, c'est la famille. Donc, je leur passe une grosse dédicace à toute l'équipe. Donc, eux, ils commencent à monter. Il y a d'autres artistes comme BRK, tu vois, on en a parlé. Lui, il est très, très, très chaud. Il y a tous les autres. Il y a tous mes gars aussi qui se réveillent aussi. On commence tous à bouger. Et franchement, en même temps, tu vois, la nouvelle variété française, c'est le rap aujourd'hui. Mm-hmm. C'est la plus écoutée. Exact. Donc, voilà, sur ce point-là, je peux. C'est ça le bail. Yes. Là, c'est l'heure de ma question à... À 10 millions ? Santé. C'est l'heure de ma question, là. Tu viens de Belfort, tout ça. Dans ta tête, t'as sûrement un rappeur que tu trouves flingué, nul à chier, pété, claqué au sol, comme ils disent. Dans ma ville ou... Dans ta ville ou à Besançon ou en Franche-Comté. Si tu veux, tu dis son blaze. Arrête, t'es pas obligé. Mais bon, après, vu qu'on est entre nous, bonne ambiance, tout ça. J'aime pas dire le mot claqué, tu vois, mais il y en a certains que je n'écoute pas, tu vois. Il y en a certains, j'écoute 10 secondes et. Ouais, après, voilà. Ça flexe pas, tu vois, dans ma tête. Ok, je te demande pas de dire le blaze, hein. Non, bah après, tu vois, comme tous, tu vois. Mais bon, je te demande pas de dire le blaze, hein. non, je veux pas le dire. Je veux pas blesser, tu vois. Ah non, mais. Non, j'ai juste. Ouais, il y en a que j'aime pas, tu vois. Ouais, mais moi, je te demande pas de dire le blaze. Je vais te poser la question quand même. Si la personne. La plus flinguée, que tu trouves la plus flinguée, il vient te dire gros Carter. Là, on dit Carter ou Carter ? Carter. Tu préfères quoi, toi ? Carter, si possible. Carter, ok. Carter. Encore mieux. Il vient, il te dit ouais, vas-y, gros, viens, on fait un truc. Yes, homie. Je te donne. Ouais, ah putain, la traduction en même attends, temps. Je fais le... Yes, homie, come. Come. Il te dit, vas-y, Carter, viens, on fait un feat, je te donne 2000 balles. 2000 balles ? Feat plus clip. Bah, je l'emmène au studio. 2000. Ouais. Ah, je l'emmène. Tu signes ? Et je l'emmène, tu vois. On bah, parle du gars le plus flingué, là, celui qui n'a pas dit blaze. Ah mais après j'ai pas dit, j'ai dit le plus flingué mais ouais. Ça veut pas dire qu'il est hardcore hein. Tu peux être bon et flingué hein, parce qu'on est tous costauds à Belfort hein. Calme-toi. Ah mes gars, je vends ma ville, je vends le 90. Je vends le 90. Celui qui rappe le plus mal. Non mais s'il vient il me dit un feat bah écoute s'il est vraiment vraiment super super flingué pour 2000 balles. Feat plus 2000 balles, non je vais dire oui. Feat plus ouais, clip, ouais. Tu fais la promo du clip 2-3 fois dans la ouais, semaine. Ouais ouais, non ça me dérange pas. Tu prends. L'important c'est que moi je kick bien dessus tu vois. Ok. Ok. Okay. Tu vois le bail. Ok. On reviendra plus tard. Moi, une dernière personne, du coup, t'as parlé de Minuit 60. Ouais. Est-ce que tu as d'autres mecs de chez toi ? Avec Joe. Je dirais que je te dis ça. Ok. C'est vraiment un gars hyper proche de moi, tu vois. J'ai commencé le rap, il était là. Il a commencé les pochettes, j'étais là. Ok. On se connaissait déjà à l'époque. C'est quelqu'un qui m'a accompagné sur chaque projet au point de vue des pochettes et tout. Il m'a conseillé. Donc non, je le big up lui. Elles sont très belles d'ailleurs au passage. Enfin, c'est bien travaillé. Ah ouais, il fait des trucs La Fouine, ouais. Maes. Gros, il est signé, hein, c'est pas... Ah ouais, non, c'est hein. Quelqu'un qui fait du très très très bon taf. Allez le follow sur les réseaux. Je vais pas me tromper de Insta, Vejo 90, je crois. Arrête avec les Insta. Non, mais c'est pas mon fort les noms Insta en fait. On l'a bien vu. Mais c'est Vejo, vous tapez Vejo, vous le trouvez. Et sinon, moi, les autres gens que je big up, c'est tous les autres gens qui sont en featuring sur l'album Vigiano, Shemsdin. C'est eux qui m'ont permis d'enregistrer l'album parce que c'est dans leur studio que j'allais à Strasbourg. Gros big up, can you record? Puis voilà. T'es un peu fan de La Fouine, toi, non? J'aimais bien une certaine époque. Qui n'a pas grandi avec La Fouine? Qui n'a pas écouté La Fouine? Qui Qui n'a pas grandi avec la flûte? Non, qui n'a pas écouté? Non, mais qui n'a pas écouté, okay. Tu vois, non, je pense que tout le monde a eu une petite période après. Après, voilà, tu vois, hein. Il a un peu changé de bail. C'est jusqu'à quand tu l'as lâché, toi? Jusqu'à quand? Jusqu'à. Capital du crime censuré? C'est récent, ouais, parce ça, que hein. Déjà. Ouais, non, mais parce que Avedjo était à la pochette. Moi, j'écoute ce que mon pote fait, tu vois. Okay. Il, vu qu'il a travaillé, moi, j'ai écouté, j'ai soutenu, tu vois. Ok, ok. C'est ça, faut soutenir. Tu t'en sors tu bien. Hein. J'ai une réponse à tout. Tu t'en sors bien. Une galipette, hop, hop. Ok. Comme ça fait 10 piges aussi que t'es un peu dans le move, une question que j'aime bien poser, c'est pour toi, quelle période correspond à ton âge d'or du rap français? Est-ce que aujourd'hui, 2019, on y est? Yeah. Est-ce que... Yeah. Fini, babe. Est-ce que c'est l'âge d'or du rap français? Non. Yeah. Ben. D'un point de vue de ma région, moi je pense que c'est cette année, tu vois. Okay. Les choses vont bouger. Enfin, les années qui viennent aussi. D'un point de vue la diaspora, à l'époque aussi, c'était pas mal. C'était une belle époque, okay. Ça. Comment ça, excuse-moi, je te coupe. Comment ça, les choses vont bouger? Parce que là, on est quand même août, bah, on arrive en août. Ça va vite, hein. Il reste plus grand-chose, hein. Ça va vite, ça va vite. Non, j'ai dit cette année et ensuite l'année prochaine, tu vois, les choses commencent à... Qu'est-ce que t'entends par bouger? Engage-toi, là, t'es enregistré, on te ressort. J'ai mon pote au Minus 60 qui a sorti un projet qui a très très bien marché. C'est vraiment une reconnaissance. Il y a beaucoup d'autres rappeurs qui commencent aussi à revenir. Il y a beaucoup de rappeurs qui préparent des projets, donc ça va être bien parce que Belfort, faut se dire que quelques années, là, les 5 dernières années, il y avait peut-être un ou deux rappeurs. Ok. C'est tout, tu vois. Et là, cette année, il y a vraiment un grand cru qui commence à sortir du lot, tu vois. Ok. On se revoit dans un an, alors. Bah, j'espère. Avec plaisir. T'as un artiste référence, là, qui te vient en tête? Un mec que t'as écouté, peut-être qui t'a donné envie ou... Winnie. Bah, Jay-Z, non, mais du ouais, coup, non. Non, mais il y avait du Rican, il y avait Jay-Z, il y avait La Fouine. Diz La Peste aussi, que j'aimais beaucoup à l'époque. T'as quel âge, toi? Excuse-moi, déjà. 25. Okay. 25. À quel âge? 25. Ah, ouais. J'avais pas entendu. Non, 25. Aujourd'hui, j'aime bien Damso, Booba, tu sais, tout ce qui est. Ok. La nouvelle génération. Enfin, non, pas Booba, la nouvelle génération, mais tu sais, Kobaladé et tout. Ok. J'aime bien les bails comme ça. Ah! Ok. Kobaladé, t'as un bouc de Kobaladé. Comme je te dis, mon saut, ça fait sa pochette aussi, tu vois, je dois écouter. Ouais, ah, attends, tu peux pas aimer. Non, j'aime bien certains sauts comme le connu, là, Train de vie. Okay. Train de vie, celui-là, je le kiffe, tu vois, je m'enjaille dessus. Et il y a plein d'autres trucs. Il y a Huss l'Enfoiré, j'aime bien aussi. Il y a qui que tu trouves nul en France? Qui que je trouve nul en France? Ou que tu peux pas écouter, tu vois. Que je ne peux pas écouter. Alors que je trouve nul en France, c'est une bonne question. Jul, non, j'écoute pas. Mais je peux pas te dire qu'il est nul parce que ce mec-là produit tout autour de lui. Ouais. Sa fanbase, elle est incroyable. Mais musicalement, il y a 2-3 sons que j'aime bien. Tu vois, ok, mais il y a qui avec qui t'accroches pas musicalement? Peut-être MMZ, le groupe. MMZ? Ouais, je te jure, j'écoute pas trop. D'accord. Bon, salut, enchanté, Junes. Je suis patron de Def Jam Besançon. Ouais, j'ai du mal. Je te dis, gros, t'arrêtes de faire ton rap là. Je te signe pour 1 million, mais tu fais du MMZ. Tu signes ou pas? J'y arriverai pas, donc non. Tu signes pas? Non, je pourrais pas y arriver. T'essayes même non, pas? Non, pour 1 million? Ouais. Si, je signe en fait. Voilà, je fais des manières. Je faisais le gars, mais. Non, si, je signe, mais je que si. Ok, on s'en reparle après alors. 1 million de francs CFA. Avant d'enchaîner, est-ce que t'avais d'autres questions? Ouais, j'en ai plein, on peut parler toute la night. Ok. T'en as d'autres à poser ou pas? Oh non, j'ai plus envie là. Non, parce que je regardais l'heure en même temps. Et quelle heure? Il est moins 10. Ah, mais on a encore un quart d'heure. Oh! C'était même elle pas, est, pré- elle même est pas belle. Préparé. C'était même pas elle préparé. Elle est belle, elle est belle. Tu vois, c'est. Non, elle est belle. Un génie. Merci d'arrêter, les gars. Non, moi, j'ai envie de te faire bosser un petit peu. Ok. Donc, je t'explique. Est-ce que tu écris sur papier? Est-ce que tu écris sur téléphone? Sur téléphone. Sur téléphone? Ok. Je vais te proposer un petit jeu. C'est la rime facile. Ok. Donc normalement il nous reste exactement 2 morceaux à diffuser. Il y avait Show Me et il y avait Dola. Ouais, c'est ça. Il y a plein de A. Ouais, c'est juste Dola. Voilà. Donc t'as à peu près 7 minutes. On va t'imposer 10 mots. Ok. On t'impose 10 mots. Je vais t'imposer. Allez. On est combien là? Osiris, il va choisir un mot. Chacun choisit un mot. Vas-y. C'est la première fois qu'on fait comme ça. On va faire comme ça. Chacun te propose un mot. Tu notes les 10 mots. on diffuse les deux morceaux et à la fin tu nous fais un petit a cappella ou okay. sur une prod comme tu veux. Ok. Comme t'as envie et puis on balance le freestyle dans la foulée. Ok, vas-y. C'est bon pour toi ? Y a pas de problème. Ok. Qui veut commencer ? Moi, je commence moi. Vas-y. Claquette. Claquette. Commence bien. Claquette. Ça commence bien. C'est pas évident, claquette. Claquette, c'est pas évident, mais ça fait au moins 5 fois que tu le dis. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Joe, il a rigolé. Ça fait 2 fois qu'il vient, c'est 2 fois claquette déjà. Claquette, claquette. Donc, claquette. Vas-y, Féfé. Féfé. Ouais. Moula. Eh, vous battez pas, hein. Doucement. Hein. Démon. Démon. Ok. Démon, qui veut proposer un mot ? Un mot ? Hein ? Belfort. Belfort. Belfort. Mal, ouais. Okay, okay. Évidemment. Besançon. Besançon aussi. Besançon. Okay. Ouais, moi je dis Diaspora. T'as combien là ? Ah, il y en reste combien ? Je suis à 8 mots. Non, 7. Excuse-moi. Qui propose ? Qui propose ? Vous tournez pas vers Jounès, ça va être bourbier, les gars. Non, cool. Moi je vais sur Twitter et je trouve les premiers mots. Hein. Allez, hop, on va faire comme ça. Marseille, ouais. Ah ben, parfum du coup aussi. Parfum. Chai. Chai. Là, t'es allé sur Twitter, c'était Chai ouais, direct. Elle est en TT, okay. Elle est en top TT. Ok, top TT, Chai. On balance. C'est bon ? On fait le récapitulatif ? Par contre, il n'y a aucun sens. Hein, y a... Non, ben. C'est la rime facile, quoi. Bonne chance. Donc, je dois te faire des phrases, en fait, qui avec ces mots. Okay. Voilà. Tu vas avoir 7 minutes pour nous préparer un petit truc. Ouais, on te mettra une note sur 10 en fonction des mots que t'as placés, tu vois. Okay. Si t'as en dessous de la moyenne, tu payes ta graille à tout le monde. Ah ! Il y a même des gens à côté. Hein. Paye ta graille. Ouais, vas-y, on va assurer. Tranquille, après, il y a le freestyle. Je sais que tu pourras te rattraper sur le freestyle. C'est pas un souci, ça. Si, si. Est-ce que tu peux nous redire les 10 mots, s'il te plaît ? Alors, claquette, féfé, moula, démon, Belfort, Besançon, diaspora, Marseille, parfum et chai. Ok. T'es prêt ? C'est bon ? Je peux balancer les deux derniers ? Donc il y avait Dola et Chomi. On est toujours sur la 25e jusqu'à minuit, 101.8 radiosud.net. L'émission spéciale Carter. On balance les deux derniers sons. Il va nous gratter son petit texte, la rime facile comme d'hab. Et puis après on enchaîne, hein, freestyle, tout ça, tu connais ? Carter. Si tu penses être amoureux, alors oublie cette idée. T'es juste en possession d'une personne qui compte vider. Commencer au souk Xanax. Elle te kiffe pour ton matos, pour ton T-Max. Tu l'aimes pour son cul, elle t'aime juste pour tes pécules. Elle a sa fierté qui dit reviens pas. Toi t'es là et tu fais des dollars. Elle se touche les veuches, elle te touche là. Elle monte sur toi, elle bouffe ta. Alors même en temps de crise, déshabille-la, torture-la. Torture-la et oui-la. Le sexe est la meilleure preuve d'amour. Regarde ta relation, quel drôle de parcours. Avec mes gants, marée, marée. Elles me font toutes marée, marée, marée. Il veut faire des bisous, moi je fais de la moule. Le samedi soir, elles sont à la chicha. Peu que le love, vive les lovés. Quand je serai plus là, qui va me sauver? Qui sera ma carteur, le c'est meilleur de la ville et elle le sait. Pour qui je ramènerai des gros billets? Par qui je me ferai michetonner? Par qui je me ferai michetonner? J'aime les dollars, dollars, dollars. Que j'ai fait pour les gros culs. J'aime les dollars, dollars, dollars. Que j'ai fait pour les gros culs. Les dollars, dollars, dollars, dollars, dollars, dollars. Mais j'ai rien fait pour les gros culs. J'suis l'homme de la vie de personne. Je rentre, elle me questionne. Elle veut fouiller dans l'iPhone X en espérant qu'elle tombe sur du X. On pourra partir là-bas, Miami, mi amor, t'es pas mon ami. T'es juste juste un bout de viande pour moi. Pas de je t'aime à dire pour le roi. J'suis numéro un des vents. J'ai pas besoin d'une qui me vend. Pas besoin de tes je t'aime qui se transforme en haine. La confiance je l'ai déjà. C'est ma famille et mes gars. Un jour on s'oubliera. On se regardera pas. Je m'en bats les couilles d'en toucher. Moi ce que je veux c'est juste coucher. Argent sexe en même odeur. Depuis récomposer mon cœur. Regarde-moi, dis-moi des choses sales. Moi je te veux du mal. Le sexe c'est la meilleure preuve d'amour. Regarde ta relation, quel drôle de parcours. C'est pour ça que je ne te chevaux jamais. Jamais, jamais je te dis du balai. Qui sera ma carte laissée, meilleure de la ville et elle le sait. Pour qui je ramènerai des gros billets. Par qui je me ferai michetonner. Par qui je me ferai michetonner. J'aime les dola, mais j'ai un fait pour les gros culs. J'aime les dola, mais j'ai un fait pour les gros culs. Les dola. Mais j'ai un fait pour les gros culs. Dola. Mais j'ai un fait pour les gros culs. Dola. Elle sait qu'elle est ma hache. Elle s'endort seule dans le noir. Elle ne supporte plus sortir tard. Elle veut plus de quart d'heure, le sait. Je l'avais prévenu, elle le sait. Je suis devenu son mister. Et je lui fais trop de mister. Le CD est sous blister. Je lui fais croire c'est ma sister. Arrête donc les tournées. Arrête de faire des CD. Elle veut que je stoppe tout. Elle veut juste être mon matou. Elle me snap tous tes ajouts. Elle serait prête à faire du vaudou. Vaudou. Je vois beaucoup trop de vautours. Autour de nous, ça pisse notre parcours. Notre parcours rempli d'amour. Je t'aime, mais tu ne me crois pas. Un jour mon fils marchera sur mes pas. I'm coming home to you. Baby show me. You know what I want. Let go. You gotta show me something. Show me. I'm on the way. I'm coming home to you. Baby show me. You know what I want. Let go. Show me. Lady, je suis là, mon couplet trop flex. MM, je t'aime comme c'était le réflexe. Hey, dis-moi que tu m'aimes. Je ne passerai jamais dans la haine. À mon regard, tu vois que je suis nien. Mais malgré tout, tout va bien. Je te caresse jusqu'au bout de la nuit. Aime-moi jusqu'au bout de ma vie. Je ride avec toi solo dans la ville. Je suis sur Insta avec les autres filles. Elle me fait craquer, je tombe trop en love. J'hésite même plus entre elle et les lovés. Aucune cage, j'aime trop ton faf, lady. Je n'écoute personne, t'es ma love, ah baby. Je veux qu'à deux, on fasse beaucoup de thunes. Je veux que tu me roules ma fume. Je vais te faire vivre ta meilleure vie. Que tu m'appelles everyday, mon chéri. Everyday, je veux toujours que tu m'roules mon doobie. Malova. Je suis tombé en love. Hopping the roads. I'm coming home to you. Baby, show me. You know what I want. Let go. You gotta show me something. Show me. I'm on the way. I'm coming home to you. Baby, show me. You know what I want. Let go. show me something. Show me.